quand tes yeux bleus d'amande douce se remplissent du bonheur de vivre, qu'un seul sourire de ta frimousse illumine un bouquet de givre. Quand je dis ton prénom, ma vie, comme je pense mon amour, et comme ma femme est jolie, et comme sont beaux les beaux jours. Quand tu pleures peur de faim, toi qui es si petite encore, on te soutient au creux des mains et te porte au cœur de nos corps. Quand tu pleures, nous couleras du premier chagrin d'enfance. Ta mère et moi, on te chantera peut-être un jour cette romance. Sort de partout, de la table allongée, les couches. proches de l'amour ne sont pas anti-fuites. Pas de doudou, pas de doudou, pas de doudou.